Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Patparatam, mon pote. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de La Courte Échelle. Aujourd'hui encore des artistes à découvrir, aujourd'hui encore un programme, disons, chargé pour cette courte échelle. Programme qui va démarrer tout de suite sans perdre un instant avec Laurent Blanchard et toi, c'est une nouveauté de Laurent Blanchard. Et il y aura ensuite Jacques Roure avec Où êtes-vous ? Toi qui es là, que fais-tu seul dans la rue? Dis-moi, as-tu froid? Ne veux-tu pas entrer avec moi? Que s'est-il passé? Que fais-tu là? Qui t'a laissé seul dans le froid? Viens, ne reste pas là dans le noir. Viens, entre avec moi et dis-moi, dis-moi ton histoire. Depuis des mois dehors, le mauvais sort t'a abattu. Tu vis parmi les morts et tu t'endors sans être vu, sans domicile, tu traînes les rues. Vie difficile, regard perdu. Personne ne t'aide. Comment veux-tu refaire voler tes ailes? Tout ce temps perdu. Courte échelle. Où êtes-vous ce soir, jardin du mois d'avril? Et que sont devenus les sambas du Brésil? Les accords de Baden-Powell, loin des favelas citadelles, où le cœur des enfants demeurait en exil. Où sont passés du mois de mai tous les jardins, où l'on se promenait imaginant demain, où tous les accords de couleur nous parlaient encore de bonheur, sur les chemins d'enfance où je prenais ta main. Où sont passés les coquelicots, les boutons d'or, la source qui noyait la conque jusqu'au bord, les hirondelles et le cerfeuil, nos ombres apaisées sous les feuilles, pour voir l'étoile du berger quand la nuit dort. Où êtes-vous, jardin d'avril, jardin de mai? Vous les saisons, êtes-vous partis désormais vers l'horizon des souvenirs, où les oiseaux s'en vont mourir, comme on voit partir tous ces gens que l'on aimait? Où êtes-vous, mes songes d'une nuit d'été, où les mensonges ont pris la place des vérités, où l'homme n'a toujours pas compris que seule la vie n'a pas de prix, quand sur la terre on veut trouver l'éternité? Où êtes-vous ce soir, jardin du mois d'avril? Et que sont devenus les sambas du Brésil, les accords de Baden-Powell, loin des favelas citadelles, où le cœur des enfants est toujours en exil? Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Bernard Lomé est originaire de Guérande. Il n'a jamais rêvé d'être en haut de l'affiche. Il poursuit sa passion musicale et créative loin des hit-parades. Il aime passer son temps à écrire des chansons et à chanter devant un public qui l'écoute. C'est un artiste authentique et rêveur patenté, avec la mer en toile de fond et ses voyages dans la tête. Le voici, Bernard Lomé, avec son dernier titre en date. C'était « Le temps du vent ». C'était le temps du vent, le temps de l'eau. Les hommes titubaient le long des quais, sommeil en nonchalant, à marée basse, tenant le temps de ce joli menuet, autant de temps que leur bateau passe. C'était le temps du vent, c'était le temps de l'eau, foqué au banc. Les hommes cherchaient encore le ciel et l'eau, et chantaient ce que le vent rapportait. De Jersey, Groix, Belle-Île et Concarneau, oh non, jamais, jamais les oublierait. Les hommes avaient encore le goût de naître, les femmes saluaient la mer et les bateaux, et les enfants chantaient comme leur père. C'était le temps du vent, le temps de l'eau. C'était le temps du vent, c'était le temps de l'eau. Donne-moi ton chant, les voiles de ton bateau. Ne perdons plus le temps, oh Iseo. Ne perdons plus le temps, oh Iseo. Thank you. ton champ, les voiles de ton bateau. Ne perdons plus de temps, oh ICO. Ne perdons plus de temps, oh ICO. C'était le temps du vent, c'était le temps de l'eau. Donne-moi ton champ, les voiles de ton bateau. Ne perdons plus de temps, oh ICO. Ne perdons plus de temps. À 8 ans, Christophe Florian débute par le chant classique qui constitue toujours une activité essentielle pour lui. On va l'écouter avec « On ne s'en fait plus ». La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Tu regardais la télé toute la journée. Toute la journée. Aujourd'hui, t'en as plus rien à cirer. Rien à cirer. Je vivais un peu trop pressé. Trop pressé. À présent, j'irai bien me balader. Parce que tu ne t'en fais plus. Tu grattes le temps. Parce que je ne m'en fais plus. Je chante sur ces quelques accords. Je laisse passer les heures. Je laisse passer les heures. Un rien. Ça te dit une balade au gré du vent. Au gré du vent. Parce qu'on ne s'en fait plus. On ne s'en fait plus. On va flâner dans la rue. Dans la rue. Parce qu'on ne s'en fait plus. On ne s'en fait plus. On va chanter dans ces pendants. Chaque semaine, découvrez dans La Courte Échelle le meilleur de la scène indépendante. Scène indépendante. Margot et Martin sont un duo, un couple à la scène comme à la ville. Ils sont auteurs, compositeurs et interprètes de chansons à texte. Voici Simone Veil. Je vais te raconter ma sœur. L'histoire de celle qui, jadis, avant nos toutes premières heures, avant que l'Internet n'existe, s'est insurgée pour nous les filles. Cette dame aux chignons serrés et aux impeccables manières n'a pas hésité à choquer ni remuer ciel et terre pour te donner ta liberté. Celle qu'on a traitée de sorcière et de suppôt de Satan voulait être sûre que tu sois fière et heureuse de devenir maman. Rescapée de la barbarie, tatouée de l'ignoble des hommes, elle voulait protéger la vie de celui qui va naître et de celle qui la donne. Se refuser à enfanter et avorter de son mal-être, c'est moins manquer de bonté que confesser sa faiblesse à élever un petit être. Grand-mère de ceux qui ne naîtront pas, qui ne verront pas la lumière, elle est la source de ton droit à choisir d'être réfractaire. Qu'il convient mieux de faire, car ni l'un ni l'autre ne seront mères. Tel fut ma sœur le message de celle qui demeure incomprise, pour avoir offert un sauvetage à d'autres qui étaient sous l'emprise de quelques-uns ou d'une église. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Nouveauté du groupe de Haute-Savoie Dub Silence, Chasseur d'étoiles. Perdu encore une fois, je me retrouve. Oui, je me retrouve, yeah. Perdu encore une fois, je me retrouve. Oui, je me retrouve. À force de chasser les étoiles, il m'est arrivé quelquefois de perdre les pédales, mais je ne m'arrêterai pas pour ça. Je tenterai tant qu'on me tend les bras, yeah. Je pensais qu'échouer me ferait mal, je ne pensais jamais pouvoir jouer dans les salles. Je chantais sans confiance en moi, j'apprends toujours à vivre ce qui ne me tue pas. Non, non. Perdu encore une fois, je me retrouve. Oui, je me retrouve, yeah. Perdu encore une fois, je me retrouve. Oui, je me retrouve. Un, yeah. Pour me retrouver, j'ai dû péter ma boussole. Je range la map, mon dos sous-sol. De ma vie, je veux être l'acteur. L'aventure, ça me fait pas peur. Aucune destination comme le Black Pearl. Maintenant je me sens pirate, je me sens hacker. Perdu dans le labyrinthe sans sécateur. Je me suis perdu en chemin. Dites à mon boss que je vais bien. On a le flair et le museau, l'horaire et le fuseau. On est venu danser dans la tornade avec fuseau. Je fais le tour du monde, je sais plus si j'arrive ou je pars. C'est pour de bon, je me barre, like into the wild. Lettre à tous les frérots dans la détresse. Je sais pas où je vais, c'est le trajet qui m'intéresse. Asso à tous les backpackers, PS. Mets tes pas de coordonnées dans le GPS. C'est pas possible, c'est demi-tour. Faut se perdre pour se retrouver. Partir sans laisser tomber, non. Yeah. Ça c'était l'histoire du gars qui voulait être heureux. Ba-da-da. Eh, eh, eh, eh. C'est une belle journée. da da da da. Perdu encore une fois, je me retrouve. Oui, je me retrouve, yeah. Perdu encore une fois, je me retrouve. Oui, je me retrouve, yeah. Perdu encore une fois, je me retrouve. Oui, je me retrouve, yeah. Fois je me retrouve. La courte échelle. Nouveauté la courte échelle, voici Bruno Grenier avec Renaissance. Artiste et compositeur indépendant issu du collectif One for All, Diezy se lance dans la musique urbaine en 2018. Le voici avec une nouveauté, ça s'appelle Piqué. Retrouvez tous ces artistes et bien d'autres chaque semaine dans la courte échelle. J'ai pas le temps de m'occuper de toi, je suis bloqué dans tout ce qui rapporte. Bébé, ma maman veut pas, je suis pas présent, mais faut que je m'en sorte. Il faut que je m'éloigne de tous ces traites, c'est pour ça que je passe les rapports. Tu sais que je suis un mec compliqué, mais t'as donné ton accord. Tu m'as piqué, c'est pas censé. Bébé, je suis pensif, j'aurais dû m'efforcer de fuir à ton air passif. J'ai tellement dépensé, t'as cru tant de cicatrices. Pas de guérison, la balle était alloquée dans des bails noirs. Dans des bails noirs, tu m'as laissé. sais. Je dessine à la craie tous mes mots, tout s'efface. Toi tu me suis à la trace oh. Love est d'aspect maladif, j'irai sur les galaxies. Je peux pas tout te donner car tu casseras bien plus que mon esprit. Je m'occupe de tout le matériel, immobilier et papel. Je peux pas tout te dire mais des fois j'aimerais tourner dans des bails noirs. Dark, je repense au bon moment, mais le présent me rappelle le pire. Plongé dans des bails noirs, dans des bails sales. Le passé a fait son temps, ne me retarde pas, je dois partir. Dans le tourment bloqué dans les ténèbres, je repense à ce qu'on a vécu. J'ai que tu mens quand tu vois mes prunelles, je ne veux pas finir déçu. Dans le tourment bloqué dans les ténèbres, je repense à ce qu'on a vécu. J'ai que tu mens quand tu vois mes prunelles. On n'a pas les mêmes failles, on veut pas les mêmes bails. Le temps s'accumule. Écoutez La Courte Échelle chaque semaine, des talents à découvrir. Géraldine Feuillette, dite simplement Géraldine, est autrice, compositrice et interprète. Elle est née à Neuilly-sur-Seine. A voici Défier la tempête. Pas de rêve. Step by step, yeah, préparer mon futur. Risquant les cicatrices, briser les murs. Step by step, yeah, pousser les limites. Je vacille sur un fil au bout de la réussite. La vie est amère, face au combat, ne pas flancher. La mer est déchaînée, mais touchée n'est pas coulée. Contre vents et marées, cap sur ma destinée. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, cap sur ma destinée. Mes pensées de doute entraînent un raz-de-marée dans ma tête. À toutes ces pensées négatives, arrêtez de foutre ce brouillard au beau milieu de mes idées. Les yeux rivés vers l'avenir, je veux pas tout faire foirer. Pas de rêve à l'horizon sans braver la tempête. Plus les épreuves sont tumultueuses, plus je dois être une tueuse. Souvent une route périlleuse mène à une fin heureuse. Sans s'armer de force, il n'y a pas de rêve à l'horizon. Hey, hey, hey, hey, pas de rêve à l'horizon. Hello est originaire de Lorient. Cet artiste compose depuis maintenant 3 ans de la musique électronique. Et on va l'écouter avec Aïkan Brett. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. Calling my phone, I'm being patient. Retour de la chanson française dans la courte échelle du jour avec Jean-Pierre Darras et Alexis. Vous écoutez la courte échelle chaque semaine des talents à découvrir. Tu es si jeune et si petit. Guerre déjà déclarée. Petit prince, si doux, si gentil, ta couronne est menacée. On a tant de choses à voir, raconter de belles histoires. Répondre à tes pourquoi, d'apprendre des gros mots, tu trouveras tout ça rigolo. Déjà comme un roi, tu te bats avec courage. Patience, ton armée te protégera, soldat couvert de blouse blanche. On a tant de choses à voir, raconter de belles histoires, répondre à tes pourquoi. Apprendre des gros mots, tu trouveras tout ça rigolo. Demain, c'est toi qui seras le roi. serai ton bouffon. La bête n'aura pas raison de toi. Petit prince sera champion. Plus tard, on te racontera nos si vilains souvenirs. Mais tu ne te souviendras pas, tu pourras bien t'épanouir. On a tant de choses à voir, raconter de belles histoires, répondre à tes pourquoi, t'apprendre des gros mots. Tu verras tout ça rigolo. Demain c'est toi qui seras le roi. Petit prince sera champion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Née à Rio de Janeiro, Luisa Mura a toujours baigné dans une atmosphère musicale, passionnée par la bossa nova, l'improvisation, le jazz et la musique traditionnelle. Luisa Mura cherche à connecter le Brésil avec les autres mélodies et rythmes du monde. Dá licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo, serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar. Já disse um poeta que terra mais linda não há. Isso é velho do tempo em que a gente escrevia Bahia com H. Deixa ver com meus olhos de amante saudoso a Bahia do meu coração. Deixa ver baixa do sapateiro, charreô, barroquinha, calçada, tá bom. Sou amigo que volta feliz pra teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da sua magia. Deixa ver teus sobrados, igrejas, teus santos e montes, calçadas tal qual um postal. Dá licença de rezar pro Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Dá licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo, serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. Já disse um poeta que terra mais linda não há. Isso é velho do tempo em que a gente escrevia Bahia com H. Deixa ver com meus olhos de amante saudoso a Bahia do meu coração. Deixa ver baixa do sapateiro, charreô, barroquinha, calçada, tabuão. Sou amigo que volta feliz pra teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da sua magia. Deixa ver

girl say hey, hey, hey, hey. And the boy say ah, ah. Originaire de Paris, Templier est un groupe composé de deux DJ, compositeurs, producteurs à la recherche de l'émotion musicale intemporelle. Pour leur morceau Don't Believe, leur nouveauté, ils ont invité Tim Moyo. Even if Une nouveauté, le dernier titre en date de Frédéric Arnault, Un ailleurs sans frontières. Vous écoutez La Courte Échelle, chaque semaine des talents à découvrir. Pour un ailleurs sans frontières, tu le sens, tu le sais, on n'est pas seul sur terre. Je t'invite à changer. Pour un ailleurs sans frontières, tu le sens, tu le sais, tous en cœur, tous frères. La la la la la, la la la la la. Dans la course au système, l'humain toujours derrière, le profit à l'extrême. Les hommes de pouvoir formatent et conditionnent, verrouillent nos espoirs, exploitent d'autres hommes. Tu dis que tout explose, que le monde tourne pas rond. Il faudrait faire une pause, trouver une solution. Nature et liberté finissent par céder, que verront nos enfants au fond des océans. Un forfait limité pour un ailleurs sans frontières, tu le sens, tu le sais, on n'est pas seul sur terre. Je t'invite à changer. Pour un ailleurs sans frontières, tu le sens, tu le sais, tous en cœur, tous frères. On oublie l'essentiel, mais la grande faucheuse nous cache le soleil. Du Chili jusqu'en Chine, des nations militaires, et nous courbons les chines, coincées dans nos œillères. Alors vois ce qu'il reste, regarde où nous en sommes. Si chacun fait un geste pour que cela fonctionne, nous trouverons les ressources pour un nouveau départ. Pense au tien, au futur, avant qu'il soit trop tard. Un forfait limité pour un ailleurs sans frontières, tu le sens, tu le sais, on n'est pas seul sur terre. Je t'invite à changer. Pour un ailleurs sans frontières, tu le sens, tu le sais, tous en cœur, tous frères. Je t'invite à changer. Pour un ailleurs sans frontières, tu le sens, tu le sais, tous en cœur, tous frères. La la la la la. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, La Courte Échelle. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres artistes à découvrir dans un nouveau numéro de La Courte Échelle. Soyez heureux. Je t'invite à changer. Pour un ailleurs sans frontières, tu le sens, tu le sais, tous en cœur, tous frères. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la. Hey. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. Votre instant d'évasion. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.